Les États-Unis s'enlisent dans l'impasse à cause de leur arrogance envers les autres nations, comme s'ils sont juges des droits de l'homme. À ce propos, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a donné le 13 sa réponse aux questions de l'Agence télégraphique centrale de Corée. Il a dit « Le monde connaît déjà que les États-Unis sont le pire violateur des droits de l'homme et le foyer du trafic humain. Plus de 67 000 femmes par jour y sont soumises à la violence sexuelle et plus de 100 000 enfants à la prostitution chaque année. L'accroissement sensible du commerce des enfants n'est qu'une partie de la violation cruelle des droits de l'homme aux États-Unis. Presque tous les pays du monde sont signataires des conventions internationales sur la prohibition du trafic humain, dont la Convention sur la prohibition du trafic humain et de la prostitution et la Convention sur les droits de l'enfance, mais seuls les États-Unis refusent d'y adhérer. Ces derniers jours, deux rapporteurs spéciaux relevant du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme ont mis en doute le récent procès d'un aliéné aux États-Unis avant d'exiger l'abolition de sa condamnation à mort. C'est une expression de la critique et de la colère internationale contre le régime judiciaire des États-Unis. Il est ridicule que ce pays invente chaque année un rapport sur le trafic humain dans les autres pays. En ce qui concerne le rapport sur le trafic humain 2017 publié par le Département d'État américain, nombre de pays l'ont taxé de dossiers tout à fait frauduleux, l'ont rejeté catégoriquement et ont qualifié les États-Unis de foyer du trafic humain. À noter que la Russie a affirmé que le rapport en question selon lequel les travailleurs nord-coréens fassent les travaux forcés dans des camps de travail en Russie est un pur mensonge sans fondement. C'est une autre preuve que les États-Unis sont le premier fraudeur. Les États-Unis sont tenus de cesser de se comporter comme juges des droits de l'homme et de remédier avant tout à leur situation caractérisée par le pire tundra des droits de l'homme, violateur et criminel des droits de l'homme.